Si bonjour la société, c'est moi qui vous avez parlé. Pour ça, bon Dieu fait pour moi, pas ça, et tes ambas chantés. Même si j'ai côté de pour miracle y opérer. Moi, y'a disé que bon Dieu m'a merveillé. Ambition, passion, la vie t'a fait m'pétite. M'pas comprendre, c'est vie, bon Dieu, t'es bien important. M'pas comprendre, plaisir, les mondes, pas de la bout tout le temps. Car est bon Dieu, m'a fait m'pétite. Oh, oh, oh. La m'a pris pour tout le temps. Yeah. Kounia tout kem, c'est pour lui, tout ça, moi fais, c'est pour gloire. Votre pète met soufflé l'orage, grandé, martin, merci. Et mieux qu'en paix, en quoi t'arrêter, mais ouais, pour moi failli. Mais avec Jésus, non, pas que moi, pas péri. Ambition, passion, la vie, t'a fait m'pétite. M'pas comprendre, sa vie, bon Dieu, t'es bien important. M'pas comprendre, des idées, mode, pas de la bout tout le temps. Caille, bon Dieu, m'a fait m'pétite. Pour ça, m'en aime passer, moi pas de penser que m'tape chapé. Et si m'dé bouleversé, tellement m'tamné et péché. L'homme qui t'est tracé, pour moi t'es qu'à sauver. Qu'on y a péché, mieux pardonné. N'en tiens la bras pété pour l'éternité. Levez copé, levez copé. Come on, two times. Hey, hey, hey. Ok, nous parlez, nous parlez. Listen. C'est bon ou mettre sous terre, mais comment comprendre qu'à mettre mon bâtiment? Oh non, t'as dit, il va faire comme ça. C'est bon ou t'es mon talent, c'est bon ou pour dire nous si moi compétent. Oh non, t'as dit, il va faire comme ça. Hey, ou mettre sauter. Choisis Jésus, okay. Levez mes mains en l'air comme ça. Levez mes mains en l'air, levez mes mains. Si tu sous sauver, dis oui. Lève tu sous sauver, dis oui. Donnez. Est-ce qu'on sauve? Oui. Est-ce qu'on sauve? Oui. Est-ce qu'on sauve? Oui. Est-ce qu'on sauve? Oui. Est-ce qu'on sauve? Oui. Est-ce qu'on sauve? Oui. Aimez sous quoi sauver? Lèvez mes wallets comme ça. Les vies chopent. Comment vous vies chopent? Est-ce qu'on sauve? Est-ce qu'on sauve? sauvé? Est-ce que sauvé? Tu connais sauvé, merci ta merci. Just started it. Hold on, hold on.